Le temps passe, mais le temps passe trop vite. T'as trop de crimes, trop de fautes de conduite. Le vent nous emporte, mais où est-ce qu'il nous mène? Faudrait qu'on s'attende à divers phénomènes. Le temps passe, mais le temps passe trop vite. Y'a trop de crimes, trop de fautes de conduite. Le vent nous emporte, mais où est-ce qu'il nous mène? Faudrait qu'on s'attende à divers phénomènes. Le temps passe vite, vite, une fois majeur.